podcast sur les ondes de tanadosport.com également. Donc, on va parler des matchs éliminatoires en fin de semaine de la NFL avec notre ami Tony Guzzo du site internet de Bits NFL. Salut Tony! Salut Danny! Ça va bien? Bonne semaine, Tony, que t'as passé, oui? Oui, bonne semaine. J'ai hâte que le week-end commence. J'en viens pas encore de voir ton studio en arrière. Vraiment, là, de voir, ça fait vraiment une effet. C'est gentil. Donc, c'est gentil. Beaucoup de travail. C'est le fun. Je suis fier de mon rôle. C'est ça qui est le fun. Tony, on va parler évidemment de l'actualité. La retraite de deux. Ben, une qui est confirmée, l'autre n'est pas encore, mais ce n'est qu'un secret professionnel. La retraite de Drew Brees et également de Philip Rivers. Parlons d'abord de Drew Brees. Écoute, ça a été quand même une belle carrière. Ça a été une carrière qui c'est un Hall of Fame, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, c'est quoi la place dans l'histoire? J'écoutais Stéphane Cadorette dans son podcast ce matin qui disait que si Drew Brees n'aurait pas quitté San Diego, probablement que les Chargers sont encore là. Il y a un MVP au Super Bowl. Par contre, sa fiche en carrière en match éliminatoire, c'est moins de 500. Dans la place de la NFL, l'histoire de Drew Brees. On va en parler aussi de Rivers aussi. Ouais. C'est un peu dans la même, les deux dernières décennies. Là, c'est toute une classe de grands carrières. Là. On parle de Peyton Manning, Tom Brady, Big Ben, tout ça. Mais Drew Brees a sorti vraiment des statistiques intéressantes. Ouais. Puis il va devenir un membre du Temple de la Renommée. C'est un peu triste parce qu'il méritait plus qu'un Super Bowl, Drew Brees. Là. Puis, il était tellement prêt, il n'a pas été chanceux avec des mauvaises décisions, des jeux miraculeux par les Vikings, une couple d'années. Mais Drew Brees, là, quand on parle d'un membre du Temple de la Renommée, c'est vraiment pour des performances individuelles. C'est l'individu comme tel. Puis je pense que Drew Brees vraiment a beaucoup fait. Il a autant fait sur le terrain qu'en dehors du terrain. Puis, il a habité beaucoup d'ailleurs dans la région de la Nouvelle-Orléans pour l'ouragan Katharina. Ouais. Il s'est fait beaucoup là-dessus. Donc, évidemment, les Dolphins, écoute, ton équipe aurait pu l'avoir. Oui, bien, c'est ça. Et on a choisi de l'exercer contre toi aussi. Ben c'est ça, c'est comme tu disais, quand il était avec San Diego, il y a eu une grosse blessure à l'épaule, puis c'est ça, c'était entre les Saints puis entre les Dolphins, puis je me souviens, même moi j'avais dit non, on le prendra pas parce que sa blessure t'offre pas, là, tu sais, ça va rester avec lui, mais tabarnouche, toute une carrière aux Saints, puis je sais pas, j'ai hâte de voir. C'est sûr que tout le monde dit que c'est fini, mais c'est quand même triste la façon qu'il a fini. Est-ce que mais tu vois, comparé à Tom Brady, son âge le rattrape là. Il est magané, puis ça a l'air que il a même sa femme aurait dit qu'il était blessé. Il était blessé, je pense, au genou quelque part. Sa plus longue passe des derniers matchs la semaine passée, c'est 16 verres. Ça se peut. C'est là qu'on voit quand même qu'il n'y a plus de bras. Puis c'est là que... Écoute, c'était la même affaire que Peyton Manning. Hein? C'était la même affaire. Peyton Manning est probablement le pire carrière de l'histoire de Super Bowl, avant de gagner Super Bowl. Mais il était fini, carrément fini, il n'y avait plus rien dans le bras. Puis ça m'a fait que Drew Brees. C'est là que tu dis que Tom Brady, c'est vraiment incroyable sa performance cette année-là. Ouais, mais pour Drew Brees, je trouve qu'il est très, comment dire ça, je pense qu'il prend trop personnel, il se met beaucoup de pression dans ses matchs, qui fait que comparé à un Tom Brady, il était beaucoup sous pression, puis il a été pas mal nerveux, puis il a vraiment pas joué un gros match, mais tu sais, trois revirements, Tampa Bay n'a pas fait non plus grand-chose au dernier match, là, offensivement. Là. Ouais, je veux dire, c'est sûr que quand tu donnes le ballon après un revirement et tu es déjà dans la zone payante pour Tom Brady, c'est sûr qu'il va marquer, mais ça enlève les 21 points par les revirements. C'est un match serré, puis peut-être les Saints auraient gagné, mais c'est une belle carrière de Drew Brees. Je suis content pour lui. Il a signé avec NBC aussi, ça a l'air. Ah, c'est pas donc, les rumeurs l'envoyaient avec à la télévision américaine. Je ne savais pas que c'était avec NBC, mais ça va faire un bon tandem avec avec Al Michaels. Ben là, c'est ça qu'on ne sait pas s'il va être à côté d'Al Michaels ou il va être en studio avec Coach Dungy puis Ronnie Harrison, tout ça. Fait que on ne sait pas s'il va prendre la place à Chris Collinsworth. C'est quand même un duo quand même reconnu là, le Sunday Night. Mais il a signé avec NBC, mais encore une fois, il l'a pas dit officiellement. Mais je pense que là, les blessures, je pense qu'on vont le rattraper, Drew Brees. On va voir, il va peut-être attendre la fin de la saison, une fois que tout est fini, pour l'annoncer. On va parler maintenant de Philip Rivers. Est-ce que Philip Rivers a sa place à Canton, Ohio? Moi, je pense que non. C'est une belle carrière, mais on n'est pas au hockey, là. Non, mais c'est ça. C'est à cause. Mais c'est un gros débat. Puis encore une fois, il a été un peu sous l'ombre de toutes ces grands carrières-là. Breeze, Brady. Il a joué pour 17 ans, Philip Rivers. C'est quand même une grande carrière. Mais comme je dis, moi aussi, j'étais avec toi. Puis il y en a plusieurs qui sont qui disent que Rivers ne devrait pas y aller. Puis. Là, il y a des débats en ce moment, puis c'est ça qu'ils disent, c'est que ce serait, il a jamais gagné le MVP, il a jamais gagné le Super Bowl, donc ça serait quand même qu'on vit son équipe vraiment là. Tu sais, Breeze, c'est quand même, tu sais, Breeze, c'est quand même en match éliminatoire moins une fiche de 5e, il a amené son équipe quand même au Super Bowl, puis il a gagné un Super Bowl. Ouais, ben c'est ça. Puis il n'y a pas le cas de Rivers. Mais Rivers, c'est ça, ça a toujours été un bon quart arrière de saison régulière. Il les amenait un peu, mais tu vois, je regarde, il y a une fiche de 5 et 7 dans les séries. Il vient des Chargers de San Diego, c'est à peu près la même affaire que Dan Fouts. Dan Fouts est un meilleur. Ils disent qu'il n'était pas bien entouré. Il a quand même eu pendant des années Tomlinson comme porteur de ballon, Antonio Gates. Ouais. Moi, je pense que c'est lui-même qui s'est mis dans le trouble. Puis je vais être honnête, là, ça me fait rire parce que des fois, il y a des joueurs et des équipes qui te marquent. Tu sais, des fois, quand tu fais des gageurs pour des équipes, les survivors qu'on appelle, là, puis j'arrêtais pas de prendre les Chargers parce qu'il fallait qu'ils gagnent pour que je passe, mais ils perdaient tout le temps à chaque fois que je prenais les Chargers parce qu'ils perdaient toujours le fameux match qu'ils devaient gagner. Fait que ça, je pense que ça vient aussi comme responsable. Mais il y a quand même, tu sais, je veux dire, ceux qui veulent l'avoir dans le temps de la renommée, il a quand même fini top 5 dans les passes, dans les verges par la passe, puis aussi des passes de toucher. Mais top 5, c'est pas assez. T'sais, il a jamais été nommé sur les équipes d'étoiles. Puis, je veux dire. Passion Pro Bowl, j'ai regardé. Pro Bowl, j'ai écrit ça quelque part. Tout le monde veut être sélectionné, mais pas joué. Ouais, donc, mais c'est ça. Mais tu sais, il a été 8 fois. Oui, il a été 8 fois au Pro Bowl sur 17 ans. C'est quand même bon. Ouais, mais c'est pas assez, là. C'est ça que les jeunes. Puis, tu sais, on évalue beaucoup les performances individuelles. Puis, tu sais, je veux dire, comparé à Drew Brees, qui a battu des records. Puis, mais ça va être, c'est ça qu'on dit, ça va être vraiment le premier cas pour justement débattre parce qu'il peut créer un précédent. Comme tu dis, c'est un peu à la hockey. S'il passe, c'est un peu comme à la hockey. Ouais. Mais si on regarde un peu comme les statistiques, il devrait pas passer, mais c'est encore drôle. On va voir, peut-être. Il y a bien des gens qui disent, OK, ce ne sera pas un premier, comment ils disent ça, un premier billet, là, tu sais, le first ballot, là. Mais peut-être pendant des années, peut-être à un moment donné, quand il n'y aura pas, peut-être ils vont le nommer. Je ne sais pas. OK, Deshaun Watson, en tant que partisan, ça semble être un point de non-retour avec Houston, malheureusement. En tant que partisan des Pats, on sait qu'on cherche un carrière pour l'an prochain. Ouais. Et là, j'ai vu certains articles, entre autres sur Nessin, qui est le poste des Red Sox de Boston, qui disait que le prix à payer pour Deshaun Watson serait 3 choix de premier ronde. Est-ce que tu donnerais 3 choix de premier ronde? Peu importe l'équipe, c'est pas juste les Pats, là. Mais ça vaut pas ça, parce que, écoute, historiquement parlant, ce genre de carrière-là fait pas de longue carrière. Donc, exact. Puis, il est bien spectaculaire, il est bien fun d'avoir joué. Par contre, il ne vaut pas trop. Puis on l'a dit, je pense, on en a parlé dans les dernières semaines. Il a fait jaser le monde. puis il n'y avait pas d'affaires, là, tu sais, je veux dire, c'est pas à lui à gérer ou à dire, tu sais, c'est pas un Tom Brady, puis encore là, tu sais, je veux dire, t'es pas là à juger les décisions ou même à imposer ton propriétaire pour faire des choix, t'es un joueur de football, t'es pas un directeur général, t'es pas un recruteur, fait que, puis en plus, il y a une clause de non-échange, fait que ça risque d'être compliqué, fait que je pense pas que les Texans vont être vraiment gagnants là-dessus. Puis comme tu dis, si vraiment ils veulent trois choix de première ronde, ils ne l'auront pas. Puis, tu sais, je veux dire, il n'a pas fait... on a blâmé beaucoup les le coach, ils l'ont mis dehors, là, mais tu sais, il y avait quand même une bonne équipe pour se rendre loin, puis ils ne se sont jamais rendus loin non plus. On va y aller maintenant avec les matchs de la fin de semaine. Évidemment, ça va commencer à 15h10 et ça va opposer les Buccaneers de Tom Brady aux Packers de Green Bay. Moi, je pense que le froid ne sera pas affectable parce que Tom Brady est habitué à jouer à Foxborough à cause de Foxborough. Par contre, mais pas le reste de l'équipe. Pas le reste de l'équipe, effectivement, pour Brown. On annonce, semble-t-il, de la neige. De la neige et de la pluie en deuxième demi. Moi, je pense que les Packers, de la manière qu'ils ont joué, je pense qu'il faut y aller avec les Packers. Entièrement d'accord avec toi, puis c'est quand même intéressant, impressionnant comme dimanche. On va avoir d'un côté, on a les vétérans, tu sais, 39 ans, je pense qu'il y a 39, Rodgers, 40 Cook, 42, 43, Tom Brady. On a les vétérans, puis de l'autre côté, dans l'autre conférence, on a des deux corps arrière en bas de 26 ans. Fait que oui, ils annoncent la température, puis là, ça fait 3-4 semaines. Je l'ai dit, c'est que là, le fait que Green Bay joue chez eux tout au long des éliminatoires, c'est vraiment à cause du climat, de la température, c'est le grand facteur d'avantage du terrain pour toutes les équipes. Rodgers est en feu. On parle beaucoup de Rodgers contre Brady, mais il faudrait peut-être plus dire c'est comment Rodgers va réagir face à la défensive des Bucks, qui est quand même solide, là. Mais ça va super bien pour les Packers. Puis comme tu dis, Tom Brady, oui, il est bon dans le froid, mais moi, je doute pour le reste de l'équipe. Tom Brady m'a quand même... c'était drôle, là. Tu sais, on parlait de le Jello, il n'était pas pris, là. Il commence à prendre ce Jello-là. Oui, mais ils ont annoncé qu'Antonio Brown ne jouera pas aujourd'hui. Moi, j'ai vu ça, c'était même. Ouais, il est blessé. Mais Tom Brady, contre les Saints, a quand même bien utilisé tout son entourage. Il a des excellents receveurs. Puis on va voir que Brady va utiliser pas mal Gronkowski là, dans un match crucial comme ça. Mais l'avantage aussi pour les Packers, ils ont un bon jeu au sol qu'on n'a jamais bien vu à Green Bay. Ouais. Donc, tu sais, Rodgers est comme confortable dans la situation. Il ne se met pas trop de pression. C'est pour ça qu'il est en guillemets, en feu, puis il domine. Puis le fait que ce soit Green Bay, je dois donner moi aussi l'avantage à Green Bay. Moi aussi, je vais y aller avec les Packers. L'autre match, écoute, ça commence à 18h30. Pat Mahomes devrait être à son poste, selon les rumeurs qui circulent actuellement. Ben, c'est officiel. Avant qu'on rentre en honte, il y a le feu vert des médecins. Écoute, c'est assez spécial. Pareil, le protocole, hein, on disait que quand il était blessé, on disait que normalement, ce serait vendredi, selon le protocole de la NFL, qu'il devrait être à sa première entraînement. Mais là, non seulement il est à sa première entraînement, mais il y a le feu vert. C'est quand même assez spécial. Hein? Bien, on n'a pas vraiment l'heure juste, puis il y a beaucoup de discussions. Premièrement, les gens, il faut qu'ils comprennent que le protocole, ce n'est pas une durée. Le protocole, c'est 5 étapes. Donc, quand il a commencé à s'entraîner, Mahomes, mercredi ou hier, là, il était déjà rendu à la 4e étape. Donc, quand tu vois le joueur, ça a l'air qu'il a passé. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ça a l'air que c'est pas une commotion qu'il aurait eu, malgré qu'on a vu... Mais je trouve qu'il avait de l'air... Ouais, t'as-tu vu quand il était... Oui, ouais, mais... Il avait été perdu pas mal, là. Oui, mais ils disent en anglais... C'est un choking, là. Il a comme manqué de souffle, puis même Mathieu Proulx, comme un étranglement. Fait que son cou a comme coupé le souffle ou toutes les articulations de son corps. Mais en tout cas, c'est la NFL, on veut voir le meilleur joueur, mais j'espère qu'il est assez intelligent, Mahomes, pour que les médecins, c'est les médecins de la ligue aussi. On ne joue pas avec ça maintenant. La NFL, avec toutes les ce qu'ils ont eu par le passé, Je pense que l'association des joueurs est là-dedans aussi. Donc, Ouais. c'est clair Mais il y a aussi. qu'on ne doit pas jouer avec ça du côté. Mais Mais on il devrait. Vas-y, y a, vas-y, c'est quand excuse-moi. même Ouais. 50 millions par année. Il faut que tu protèges ton investissement aussi, là. Mais là, on est plus inquiet de sa blessure à son pied, là, à son orteil là, qu'il avait, qu'on voyait un peu, là. Mais il fallait s'attendre qu'il va jouer. Mais je pense qu'ils vont être assez intelligents. On va voir comment ça va aller. Ça va être vraiment. En tout cas, c'est même Andy Reid, McDermott, c'est un ancien protégé. McDermott était son coordonnateur défensif dans le temps avec les Eagles. Reid l'avait congédié quand même, mais ils s'entendent quand même bien. Donc, un bon duel de coaching. Les Bills ont surpris. C'est l'équipe vraiment la plus fascinante. C'est ça que je voulais dire. Moi, avec ou sans Mahomes, j'y vais avec les Bills. Ah, tu prends pour les Bills. OK. Ah, ben, écoute, je ne prends pas pour les Bills parce que mon équipe s'est Ouais, partie. ouais. Mais je suis content d'ailleurs Ah, pour les partisans des Bills parce qu'ils ouais. ont eu, c'est pour le dire, là, ils ont eu beaucoup, beaucoup d'années. Quand tu dis que les dernières victoires, c'est dans le temps de Jim Ah, Kelly, ben c'est dans le ouais. temps, là. Qu'ils On perdent. est à moins. Marv Levy, puis, Faudrait tu sais. pas qu'ils perdent un autre Super Bowl s'ils se rendent, s'ils gagnent en fin de Non, non. Mais semaine. Mais. ce qu'il faut dire, c'est que les Bills jouent beaucoup mieux. Beaucoup, un Ouais. momentum, tu sais, ils ont un momentum incroyable, les Bills. Rappelle-toi, quand c'est un Hail Mary, sans ça, il serait sur une Tout à grosse fait. période, là. Donc, ils ont vraiment le momentum. Tout à fait, Danny. Mais je trouve que les Chiefs, avec ou sans Mahomes, ils ont quand même de meilleures armes. On pense à Tyreek Hill, on pense à Travis Kelce. Le porteur de ballon, Edwards-Helaire, va être de retour aussi. Mais c'est sûr que les Bills aussi, les Bills, qu'est-ce qu'ils ont surpris dernièrement, c'est qu'ils ont joué aussi. Ils ont mieux joué aussi défensivement. Moi, les Bills, qu'est-ce que j'ai de la misère? Puis je suis content pour Josh Allen, ça va super bien, mais il n'y a pas de jeu au sol. Donc, il Non. faut que tu balances les deux. Ce que les Chiefs vont être capables de mieux faire. Mais tu sais, c'est sûr que Josh Allen avec Stephon Diggs, c'est toute une combinaison. Ah. Puis on va voir comment que. L'intercalaire aussi va être capable Oui. d'arrêter ça. Mais les Chiefs, là, on va voir, là, si C'est pas les vrai, Chiefs, là, je suis sûr qu'ils vont être tellement préparés, ils veulent dominer tout de suite en partant. Fait que c'est là qu'on va voir la première demi, deuxième demi, comment ça va aller. Moi, je pense que ça va être peut-être une explosion de toucher, là, de plein de points, tout en souhaitant que Mahomes est en forme. Mais on va voir. Mais Andy Reid, là, il m'a surpris dans son coaching la semaine passée, là. Il prépare bien son équipe, c'est ainsi. Je le trouve vraiment. Je trouve que c'est un des. Ben surtout après un congé, Andy Reid, c'est un des bons coachs, là. Mais tu sais, je doutais de sa gestion du temps, mais là, de plus en plus, il me fascine dans la façon qu'il appelle ses jeux puis la façon qu'il prépare son équipe. OK. Tony, en terminant, le Pro Bowl virtuel, ça va être quoi? Hein? Parce qu'on va être en onde pareil la semaine prochaine, même si ça va être. Ouais, j'ai pas eu le temps de les. Ça, mais il semblerait c'est comme une célébration virtuelle. Je pense qu'il va y avoir des gens qui vont parler. Je pense qu'ils vont avoir même des compétitions de jeux vidéo, là, mais c'est Hey! comme une célébration virtuelle, là, mais j'ai. Oh boy! Aussi bien d'annuler ça tant qu'à ça, moi, je pense. Ouais. C'est aussi bien, tu sais, je sais Moi, je pense pas. que ben, la raison Les pourquoi qu'ils commentaires, l'ont. C'est parce que hein? Il y a les commanditaires, puis c'est le public qui vote pour les joueurs. Donc, c'est une façon de remercier le public d'avoir fait cet exercice-là. Donc, je sais pas, il va y avoir des. J'ai vraiment pas eu le temps de lire parce que ça me fascine déjà. Tout de suite en partant, ça me fascine pas, le Pro Non, non, Bowl, je sais, mais il faut là. quand même, je me pose Ouais. la question, parce que le Pro Bowl, ça reste que c'est quand même le match des étoiles, mais c'est sûr que c'est pas fascinant. On dit que c'est le pire match tu sais, ça, puis la Ligue nationale de hockey, c'est pas Ouais. mal les pires, hein. Mais Mais c'est quand même un match virtuel. il y a rien, y a rien qui va se passer sur le terrain. Puis la façon que ESPN, ABC l'ont annoncé, c'est un virtual celebration. T'sais. Fait que c'est comme. Est-ce qu'il va y avoir de la musique, des chanteurs, des groupes de musique? Je sais pas. Mais ça. Donc, on va s'en parler plus vendredi prochain, c'est sûr que tu vas être plus dans l'esprit du Pro Bowl. Je suis C'est pas sûr désolé. qu'il va y avoir un grand tailgate. C'est pas sûr qu'il va y avoir un grand tailgate, le Pro Ben, Bowl, effectivement. Tony? Ils se déplaceront pas. Je pense qu'ils se rencontrent même pas, là. Alors, Chacun reste chez eux, c'est un peu ridicule quand il y a ça. Mais là. à Hawaï, pourquoi on l'avoir fait à Hawaï encore? T'sais, à Hawaï, je pense pas qu'il y ait des cas de COVID. Ouais. L'affaire pareil. Je ne sais pas, pose la question. À Hawaï, je pense pas que c'est Ben, l'attaquant. mais c'est ça, mais je pense que tout le monde ben, surtout ceux qui sont éliminés, je pense qu'ils ont hâte que cette saison-là finisse parce qu'ils ont quand En même temps, même c'est des vacances. dû suivre des Hein? règles. En même temps, aller au Pro Bowl à Hawaii, c'était des vacances. Ah, ben oui. C'est ça que je comprends pas. Tony, gros merci. Donc, les gens qui sont en Facebook Live également, la Merci, semaine Tony. prochaine, Bon. on sera là pareil pour commenter. Il va sûrement avoir de l'actualité à Ouais, commenter. ben oui. Donc, on va être là pareil. Puis, dans 2 semaines, il y aura une table ronde. Je ne sais pas avec qui. Je vais décider ça bientôt. Ça va être le fun. Tony va être là, mais il va y avoir un invité de marque par rapport au football, c'est sûr et certain, qui va être avec nous. Quelques années, c'était Jacques Dussault. Il y a eu Ouais, Danny on a Mathieu. eu. Il y a eu Ouais, Danny j'ai fait. Mathieu. Ça va probablement être Ouais. un des deux qui va être là. Donc, je vais décider ça bientôt. Donc, Tony, un gros merci, on s'en parle bientôt. Merci tout le Les gens monde. en Bon Facebook Live, week-end. merci beaucoup. Et également sur les ondes.